se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes. De Hélène Le Gall. Troisième épisode, la trahison. Ah, je la vois. Eh, Bebep, Cendrillon, par ici. Coucou, Coucou, Podane. Désolée de retard. C'est pas grave. J'ai galéré à Gare du Nord pour trouver un taxi. Alors, Henri, je vous présente ma copine Cendrillon. Henri est psychanalyste, universitaire et mon directeur de thèse. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Henri. Oui. Podane vient de le dire. Oui, mais j'aime bien le dire moi-même. À cause de la chanson. Ça me fait rire. Ok. Enchanté, Henri. Podane m'a beaucoup parlé de vous. Alors, ça avance la thèse? C'est quoi le titre déjà? J'arrive jamais à m'en souvenir. Conversation de... Non, c'est conversion. Conversion hystérique et affection psychosomatique. J'aurais dû m'en souvenir. Ça te va tellement bien. Excuse. Non, te vexe pas, c'est nerveux. Non. Je suis un peu à bout. Deux jours avec les nains, je suis au bord du suicide. Ah bon? C'est intéressant. J'ai écrit de nombreux articles sur le suicide. Le dernier interrogeait le rapport individu-société, ainsi que le modèle de causalité psychique conçu par Durkheim dans le suicide. Et vous y pensez le matin au réveil ou plutôt après le petit déjeuner? Ah non, je plaisantais, hein. Je pense pas du tout à me suicider, mais plutôt à trucider quelqu'un, vous voyez? Oh, intéressant. Oui, Cendrillon vient de quitter son prince après 20 ans de vie commune. Ah, intéressant. Garçon, une coupe, s'il vous plaît. Mais dites-moi, vous m'intéressez beaucoup pour un des sujets que je traite actuellement. Ça s'appelle « Étude clinique de la femme bafouée ». Sympa. Et dites-moi, arrivez-vous dorénavant à vous projeter dans la vie sans figure masculine à vos côtés? Tout au moins provisoirement. Non, ça, Henri, je peux répondre à sa place. C'est juste inenvisageable. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux très bien m'assumer toute seule. Non. Arrête. T'as jamais vécu seule. T'en es incapable. T'es passé de ta belle-mère et tes frangines à Albert. J'en ai parlé dernièrement avec ta marraine, elle pense comme moi. D'ailleurs, elle est prête à t'accueillir dans sa communauté à Oléron, tu sais. Mais n'importe quoi. Mais comment vous me voyez? Je veux vous prouver à toutes que je peux très bien me débrouiller toute seule. Dans un mois, j'ai un appart et un job. Ouais, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Hein. Excusez-moi d'interrompre cette discussion féminine, mais néanmoins passionnante. Mais je vais uriner. Podane, entre nous, tu couches avec Henri? Ça m'arrive, ouais. Quand je suis bloquée sur ma thèse. Je sais pas, ça doit être symbolique, ça me fait penser... Excuse-moi. Oui, allô? Cendrillon, t'es où? Grincheux, qu'est-ce que tu veux? Qui t'a permis de partir sans me demander mon avis? Je suis ton nouveau prince, tu dois me demander mon autorisation avant de quitter le domicile. Bon, écoute, Grincheux, un, tu me donnes pas d'ordre, et deux, t'es pas mon prince, ok? Et moi, je te dis de rentrer à la maison tout de suite. Bon, allez, je vais même pas m'énerver, je vais raccrocher. Hein? Et je sais pas ce que fout ta mère, mais tu devrais déjà être couché. Il dîne avec papa UMP chez Jean-François Copé. On est tout seul et on regarde Hansel et Gretel. Ça ennuie, ça manque de sexe, c'est nul. Mais toi, reviens! Bon, allez, je raccroche là, hein. Bye! Alicine, il se prend pour ton prince. Ah mon Dieu! Dire que Blanche-Neige se targue d'être la meilleure mère du monde. Ah. Tu verrais ces nains, une horreur caractérielle, débile, obsédée sexuelle. Oh la pauvre! Et comment ça va avec son prince UMP? Je sais pas, il est jamais là. Elle est folle d'admiration et elle attend son dîner chez Carla. Elle le tanne pour ça, tu peux pas imaginer. Purée. C'est-à-dire que quand je l'ai connue, elle votait communiste. Ah oui. Excusez-moi, vous voulez reprendre quelque chose, mademoiselle? Non, merci, Henri. C'est bon. On va y aller, peut-être, hein, Cendrillon. Ok. C'est sympa de m'héberger, Podane. C'est vraiment cool. Mais arrête. T'as fait la même chose pour moi il y a 5 ans. Sinon, je peux vous héberger. J'ai un très joli petit appartement dans le 7e. Non. C'est bon, Henri. Merci. Allez, on y va. Quel mufle ton Henri, de me proposer la botte devant toi. Et alors? Je suis partageuse, tu sais. Si t'avais voulu, il n'y avait pas de problème. Hein? Ça t'aurait pas dérangé? Pas du tout. C'est dingue. Moi, je pourrais pas. Oh là là, qu'est-ce que t'es coincée, ma Cendrillon. T'es vraiment pas ouverte comme meuf. Albert avait raison de faire gaffe quand il... Quand quoi? Je sais pas. Attends, tu voyais Albert? Mais non. Ne me prends pas pour une conne. Tu viens de dire, Albert avait raison de faire gaffe quand... Quand quoi? Quand vous vous voyiez en cachette, c'est ça? Non, écoute, c'était rien du tout. Rien, c'est arrivé une fois. Une fois, c'est tout. J'étais bloquée sur ma thèse, Henri faisait une conférence à Hambourg, j'ai croisé Albert dans la rue et... Il m'a fait essayer une pantoufle de verre, voilà. Non mais je suis désolée, Cendrillon. Salope. Mais attends, elle valait pas